duma palza, no fui se de grome, po puja no taiza, no fui se valime, halba nie triki, se mame i czare, i znamy wszystkie cichy, pierdolo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de À l'Ouest, rien de nouveau, aujourd'hui consacré pour la deuxième fois à la Roumanie. Salut Souris. Salut Milky et salut tout le monde. Bah ouais, pourquoi pas retourner en Roumanie, on y était bien. Ouais, c'est vrai, c'était vachement cool. Et on Hein. va commencer avec une petite sélection venant de Cluj. Ouais, alors Clouille, je pense. Ouais, je sais pas. Bon, je pense que ma foi, je m'aventurerai à prononcer le J comme ça, mais bon. D'accord, Chloé. du coup, ouais, le groupe s'appelle Los Pogos. C'est pas ultra récent, c'est pas ultra vieux. Ça a été fait en 2002. Et t'as vu, ça rime en plus. Yeah. Formé en 2002. Et donc, j'ai choisi le titre avec ouais, un truc un peu rigolo, on va dire. Le premier, c'est Roméo et le deuxième, Truly. Et pour autant, les titres sont en anglais, mais je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Voilà. Megaplankton ruumeut, ne luptaa kolluuteu. Mitsu ne saat puolta näin, vaan mitsu klaat peasa vaan. Lennut on sojumot, ne kumut matjuutukot. C'était Los Pogos avec Romeo et Trulli. On va continuer l'émission du côté de Craiova avec Critica Radicala. Ouais, donc c'est un groupe dans lequel se trouve aussi, enfin se trouvait, hein, je ne suis pas sûre que ça existe encore, Critica Radicala, se trouvaient donc des membres de Terror Act, qui est un groupe que je crois très très connu en Roumanie. Le titre qu'on va jouer, c'est Paradisul Fad, qui a priori voudrait dire engouement paradisiaque. Oh. Ya no casas en mí, pinches a hacer un rey, valor y de cartón, de acunda si va y ve, cuts para mi sulfat, para el chico solán, y el puto de león, si puto a canal. Se mira giul, c'è fria della lei, c'è senza legge sol, c'è forza su sei. Poi un mero tandava, testa su testa poi, al cale sa più nou, la haita di Hudson, fanno la sua carne, ai mani a risale, ne vuoi mi c'è smaite, qui su buona storia, anche c'è sai cantil, si chiama su sacres, in forma c'è sterile, a tempi la bugues, un stacco di cienes, armate le spion, le tuce non spinare, uomini pion, ne urba le steppat, ne paga di casù, se tragi può plom, noi vita le depo. C'était Critica Radicala avec Paradisoul Fad. Et on va retourner à Clouille en Voilà. 93. Ouais, là par contre, on repart un peu en arrière. Du coup, ouais, avec Protex, un groupe punk, voilà. Et les titres, c'est Hymnul Punk, l'hymne punk. Des fois, c'est les traductions parfois sont tellement simples. Et alors, le deuxième titre, c'est Rila Yepurila. Et alors, je ne sais pas si c'est correct ou quoi, mais la traduction que j'ai trouvée, c'est que ça serait apparemment Rila le lapin. Mon une petite comptine. Alors, je ne sais pas s'il finit en civet, mais bon, voilà. Verde barabulă pe pachiști doare pulă. La la la la la la la la la la la. Foaie verde barabulă pe pachiști doare pulă. La la la la la la la la la la la. Hei a hei a hei a hei a hei a hei hei hei. C'était Protext avec Imnul Punk et Rila les pourris là. Rila le lapin. Ça fait un peu Chantal Goya comme titre. Complètement. Après, tu me diras, après les Coco Slaglova et je sais pas quoi. Hein. Ah oui, Coco Slaglova, c'est ouais. Quand même. Hein. Des fois, il y a des petits mystères dans les noms des groupes et puis dans les titres. Ouais, on a l'impression d'être chez le Bolaguer. Ouais. C'est ça, il y a toute la ferme et tout, quoi, la basse-cour. Et bah, on va aller à Bucarest maintenant avec Recycle Bin. Ouais, donc ça, un groupe, donc, comme tu viens de le dire, formé à Bucarest en 2007. Et en 2008, après un concert, leur chanteur, qui s'appelait Cosmin alias Pokémon, décède. Alors, je ne sais pas de quoi, hein, ça, c'est pas précisé dans l'histoire, quoi. Et donc, le titre s'appelle Pokémon and the Bastards. De toute évidence, un titre dédié à leur chanteur, quoi, à leur ex-chanteur. Noi trăim să vă facem o cântare în țara lui Spadă Mare. C'était Recycle Bin de Bucarest avec le titre Pokémon and the Bastard, dédicacé à leur chanteur décédé. Et nous allons aller réécouter un groupe qu'on a passé la dernière fois, c'est Scandale. Ouais, qui a été formé en 98. Alors, à Bucarest, il me semble, mais bon, on va dire, je suis sûre à 99%, mais il y a ce petit 1% de doute. Ouais. Et par contre, de ce que je sais, là, ça c'est sûr, ils ont immigré au Royaume-Uni. Donc, maintenant, ils sont par là-bas, à Londres, il me semble. Et le titre, c'est « Bauta », et ça veut dire « en buvant », et je doute que ce soit « en buvant de l'eau ». C'était Scandale avec Bauta, en buvant. Et nous allons terminer l'émission avec un groupe tu qui s'appelle déjà. Zob. Ben moi, j'ai vu le groupe, c'est pas, enfin, le nom du groupe, c'est pareil. J'étais là, oh, ok, cool, un groupe qui s'appelle Zob. Donc oui, forcément, pour nous, Français, c'est super drôle. Bref, je pense que c'est un acronyme, mais je n'ai aucune idée de ce pourquoi, à quoi correspondre les lettres en question. Donc, on restera à Zob et on continuera à ricaner. Voilà. Et donc, c'est un groupe qui a été formé en 88 à Bucarest et j'ai choisi deux titres tirés de leur album Parodisiaque, qui est sorti en 96. Et donc parodie, voilà, parodie, le parodisiaque paradis, voilà, voilà, vous avez compris, parce que c'est, je crois, que des covers en fait. Et, d'accord. Donc, le premier titre, c'est My Bonnie, qui est une cover des Beatles, Tony Sheridan, et la deuxième, c'est Stand By Me, qui est une cover de Ben E. King. has come, and the land is dark, and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Et voilà pour les reprises de Zob. La reprise de Zob, ok. Pour terminer cette émission, merci à Souri pour la préparation et la co-animation de cette émission. Avec plaisir, on a bien rigolé encore. Ah oui, Zob. Écoute, si on... j'espère que j'arriverai à trouver un groupe qui s'appellera Sgeg la prochaine fois. Ça serait génial. Quand même. Ouais, au Kazakhstan. On va savoir. Et restez à l'écoute de Droogies Radio, car la voix de la Hoy ne s'éteint pas. Salut!